dans ce nouvel épisode de CEDEX, j'ai rencontré Mathieu, c'est un prénom d'emprunt, parce qu'il a mon âge et qu'il est juge des enfants. Encore une fois, cet épisode est découpé en trois parties. Partie 1, la formation. On va dire que je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans et je suis juge des enfants. Je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans, je suis en Algérie. J'ai fait toutes mes études de la maternelle jusqu'à la fac à Paris. J'ai été à la faculté de droit, donc j'ai fait mes 5 années jusqu'au master à Paris 1, quand en Sorbonne. Depuis que je suis adolescent, j'avais envie d'être magistrat. C'est un métier qui me plaisait parce que c'est des valeurs que je trouve bonnes. L'idée de rendre la justice, d'essayer de trouver la vérité, d'essayer de trancher des conflits, l'idée du service public, l'idée de servir l'État. Et puis c'est un positionnement, quand je voyais les romans policiers ou les séries policières, où je voyais qu'il y avait un magistrat qui essayait de faire en sorte que les services d'enquête notamment respectent le droit, d'essayer de faire en sorte que lorsqu'il y avait un plaignant, une plaignante face à quelqu'un, qu'on essaye toujours de trouver la chose juste, de rendre justice. Je trouvais que c'était un beau positionnement. Donc évidemment au début c'était une idée un peu de gosse, et puis en faisant des stages avec les études ça s'est renforcé, et j'ai été stagiaire au tribunal d'instance de Pantin, où c'était vraiment hyper intéressant. Le contentieux c'est la justice de proximité, donc c'est le droit des tutelles, c'est les petits contentieux de la consommation, c'est les saisies rémunération. Enfin voilà, on est le juge d'instance, il est vraiment confronté aux gens, aux petits problèmes, mais qui sont vraiment très importants pour les gens. Et la juge d'instance avec qui je travaillais, enfin les deux juges d'instance avec qui je travaillais, étaient vraiment des super magistrates, très humaines, très compétentes juridiquement, et elles m'ont encore plus donné envie de faire ce métier. Donc, pendant que j'étais stagiaire, enfin assistant de justice au sein du tribunal d'instance de Pantin, j'ai préparé le concours à la faculté. J'ai pas fait de prépa privée, je voulais d'abord essayer de faire ça. J'ai eu le concours de la magistrature donc en 2012. Donc j'ai intégré l'École nationale de la magistrature donc au sein de la promotion de 2013. Ça dure 2 ans et demi. Alors il y a plusieurs moyens d'intégrer l'école. Il y a les 3 premiers concours. Alors en fonction de est-ce qu'on sort de la fac, enfin est-ce qu'on est étudiant, est-ce qu'on est un ancien fonctionnaire, est-ce qu'on a eu 10 ans dans une activité assez proche du droit. Il y a aussi le recrutement sur titre. Voilà, donc tous ces modes d'entrée à l'ENM, ça conduit quand même à faire 2 ans et demi d'école. Mais il y a d'autres modes d'entrée où la formation est beaucoup plus courte, environ 6 mois. L'idée, et c'est vraiment je trouve une richesse dans le métier, c'est de diversifier les profils. C'est-à-dire que voilà, il y a forcément une majorité à l'ENM de gens qui du coup viennent de faculté de droit ou de Sciences Po. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de Sciences Po, mais voilà, avec le deuxième concours et le troisième concours, il y a des anciens policiers, des anciens greffiers. Moi, ma promo, il y avait une ancienne administratrice, pardon, d'une opéra. Il y avait quelqu'un qui avait fait une thèse et qui avait travaillé dans les institutions européennes. Donc voilà, ça diversifie beaucoup les profils. Et les autres, avec les formations plus courtes qui durent 6 mois, ça permet aussi à des gens qui ont une expérience professionnelle ancienne, du coup, de faire une reconversion, mais qui est plus courte, ce qui fluidifie pour eux les choses. Et donc vraiment, au sein de la magistrature, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des gens qui ont le profil un peu classique, on va dire, faculté de droit, 5 ans d'études et concours, et d'autres gens qui ont fait des tas de choses. Et c'est une richesse parce que humainement déjà c'est intéressant de venir d'endroits un peu différents, et aussi au niveau de la technique, forcément quelqu'un qui a travaillé par exemple, je sais pas, un ancien directeur d'hôpital, si un jour il doit être du procureur sur une section de la santé par exemple, il y a des pôles santé par exemple à Marseille, à Paris aussi il y a des pôles santé, ça peut être intéressant d'avoir des connaissances médicales, enfin. Voilà, donc 2 ans et demi d'école, il y a plusieurs stages, il y a une grosse partie pratique quand même, ce qui est normal, parce que la partie théorique, on l'a vu quand même surtout avec les 5 ans d'études de droit, quand on a fait le premier concours. Donc l'idée, c'est, il y a quand même une partie théorique, c'est environ 8 mois à l'école de la magistrature, 8 mois de cours où c'est vraiment pas des cours de droit du tout, c'est des cours de de pratique, des cours de professionnalisation. Donc on apprend à être magistrat, on apprend qu'est-ce que c'est être juge aux affaires familiales, qu'est-ce que c'est être à présider une audience correctionnelle, qu'est-ce que c'est qu'être juge des enfants. Donc on voit comment une audience se passe, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens, la manière dont il faut le dire, quels sont les éléments qu'il faut recueillir. Donc ça, c'est en fonction du droit. Par exemple, quand on est juge des enfants, je prends cet exemple-là vu que je le suis, le critère, c'est le danger. Donc il faut caractériser le danger, il faut que ce soit débattu contradictoirement. Donc il y a des questions à poser, une manière de poser les choses, et il faut rendre la décision tout de suite, il y a une manière de rendre la décision. Bah, tout ça, on l'apprend de manière théorique à l'école. Au-delà de tous ces cours de professionnalisation, il y a des cours... et c'est ça aussi qui fait vraiment que c'est une bonne formation, des cours un peu de contexte judiciaire, je ne saurais pas trop comment qualifier ça, mais par exemple, on va apprendre comment se font les expertises, on va avoir des experts qui nous expliquent leur métier, on va la police technique et scientifique, la balistique, ce genre de choses, donc tout ce qui est autour de notre métier qui ne correspond pas forcément directement à ce qu'on va faire, mais qui va forcément éclairer notre métier plus tard, c'est-à-dire que quand on reçoit une expertise balistique, je prends cet exemple-là, évidemment je ne suis pas expert, évidemment je ne vais pas tout comprendre, mais j'ai quelques petites bases qui font que je ne serai pas complètement à l'ouest quand je vais la lire. Et on a aussi ce que l'école appelle les humanités judiciaires d'une certaine manière, donc c'est une sorte d'ouverture d'esprit qui fait que c'est un peu de la culture générale, mais c'est l'idée de dire qu'un bon magistrat, c'est un bon être humain, un citoyen. Voilà, donc on a aussi des matières un peu extra-judiciaires. On a aussi pas mal de choses par rapport à qu'on apprenait au niveau international, parce que voilà, la justice s'inscrit dans un monde international aujourd'hui, il y a un droit international qu'on doit connaître un minimum, on peut être amené à travailler à l'international, donc voilà, c'est aussi des choses qui étaient développées. Donc encore une fois, la formation, elle est vraiment super, et d'ailleurs, l'ENM s'exporte en quelque sorte, puisque l'ENM forme aussi pas mal de magistrats étrangers. Pour ma promo, donc on avait 6 mois de stage d'avocat, on avait 2 semaines de stage avec les policiers, il y avait 3 semaines de stage d'ouverture avec un petit peu ce qu'on voulait. Moi, j'avais fait ça dans un hôpital, dans un service de neurologie. Il y en a qui avaient fait ça chez des journalistes. Enfin voilà, c'est très varié. On avait aussi une semaine avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une semaine avec la protection judiciaire de la jeunesse et 2 semaines en prison. Je sais pas si je l'avais dit. L'idée, voilà, c'est là pour le coup, ces stages-là, c'est vraiment de l'observation. C'est pour comprendre comment les gens avec qui on travaille travaillent eux-mêmes. Voilà, enfin 2 semaines en prison, ça me semble essentiel qu'on est magistrat et qu'on envoie des gens en prison, de passer 2 semaines avec les surveillants et avec les détenus pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font concrètement, est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a l'accès aux soins, comment ça se passe à la promenade, concrètement, et de le voir. C'est pas la même chose de le savoir et de le voir. Et c'est vital. Pareil pour le service pénitentiaire d'insertion, de voir comment ils reçoivent les gens en rendez-vous, comment ils leur expliquent comment ça se passe un bracelet électronique, comment ils vont chez les gens poser un bracelet électronique. Voilà, tous nos partenaires, voir comment ils travaillent, c'est hyper important, parce que notre travail, c'est un travail évidemment qui a un sens hyper important, et du coup nous, on ne se contente pas de recevoir les gens intentés, de prendre des décisions, et ça s'arrête là. C'est que derrière, il y a des choses qui vont se passer, avant il se passe des choses, et qu'il faut comprendre tout ça, ben, ne serait-ce que pour être heureux professionnellement, même pour essayer de faire du bon boulot, parce que dire à quelqu'un, ben, je vous condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement, c'est aménageable, vous verrez avec le SPIP pour le bracelet électronique, si on ne sait pas comment ça va se passer, ça va sonner très creux, et les gens ils le sentent, et puis même quand on prononce une peine et qu'on sait derrière comment ça va se passer, je pense que c'est mieux pour choisir la juste peine. Il y a ces stages d'observation qui sont vraiment très intéressants et qui complètent vraiment bien la scolarité. Il y a surtout la partie pratique de l'apprentissage de professionnel, à savoir environ 10 mois de stage au sein d'un tribunal. Donc moi, c'était au sein du tribunal de Marseille. Et donc on a environ, je schématise un petit peu, mais environ 1 mois par fonction. 1 mois au juge aux affaires familiales, 1 mois au juge des enfants, 1 mois au tribunal correctionnel, 1 mois à l'instruction. Donc on fait toutes les fonctions en gros. Du tribunal de grande instance, et à l'issue de du coup on découvre un petit peu toutes les fonctions aussi, parce que moi à l'origine c'est juge des enfants, c'était la fonction que je voulais pas faire du tout, vraiment pour moi il y avait un côté un peu assistante sociale, c'est une image que beaucoup ont de la fonction, hein, y compris au sein de la magistrature parfois. Et puis j'avais l'impression que c'était pas très juridique. Et moi j'adore le droit, c'est ma passion. Enfin, je suis tombé amoureux du droit à la faculté. Je trouve que c'est une très très belle matière. Donc j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de réflexion sur le droit, sur les textes. Et du coup, ce qui m'attirait un peu plus, c'était d'être juge civil, d'avoir des problèmes de droit qui m'étaient posés. Et j'ai découvert la fonction. Alors j'avais 2 maîtres de stage qui étaient vraiment super, là aussi, et humainement, et au niveau de la technique, notamment l'une des deux qui était hyper pointue sur le sujet, qui était d'une grande rigueur, qui disait non mais ça allait juste d'enfant, mes collègues acceptent ça, moi je l'accepte pas parce que tel texte dit ça. Et du coup je me suis dit déjà humainement c'est une fonction mais incroyable. Au niveau de la technique, et ben si on veut être rigoureux, on peut, et ça nous rend encore meilleur juge. Et voilà, et le plus beau dans cette fonction, c'est que il y a un suivi, ce qu'il n'y a pas dans toutes les autres fonctions, parce que quand on prend des mesures éducatives, c'est toujours pour une durée. Donc là, je parle de l'assistance éducative, c'est-à-dire la protection de l'enfance. Pour protéger les enfants, on va par exemple prononcer un placement ou une assistance éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire un éducateur qui vient voir la famille, qui va donner des conseils pour arranger les choses. On prononce pour 1 an, pour 2 ans. Bah, au bout d'un an, on va revoir tout le monde pour faire le bilan et pour prendre une décision pour l'avenir. Et donc du coup, parfois, on suit les familles sur toute sa carrière, sur 3, 4, 5, 6 ans. On les voit tous les ans. Parfois, c'est tous les 6 mois. Parfois, c'est un peu plus long. Mais du coup, on voit les effets de ces décisions. On voit les gens, comment ils évoluent grâce à nos décisions ou à cause de nos décisions. Et du coup, c'est hyper intéressant. Les autres magistrats, les autres fonctions, ils ont un petit peu moins ça. Et au pénal aussi, parce que le juge d'enfant, il s'occupe, un, de la protection de l'enfance et, deux, de la délinquance juvénile, c'est-à-dire des infractions commises par les mineurs. Âgé donc de moins de 18 ans, je précise, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément au courant que les mineurs, c'est moins de 18 ans. Et du coup, on est souvent sectorisé géographiquement. Donc, par exemple, moi, mes deux villes, c'est Aulnay-sous-Bois et Nozick-Sec. Et donc, tous les mineurs qui commettent une infraction et qui résident à Aulnay-sous-Bois et Nozick-Sec, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, du coup, quand ils recommencent, ce sera toujours moi qui m'en occupe. Ça permet de faire un suivi et du coup, de voir l'évolution des mineurs. Là, il y en a, je suis à Bobigny depuis 2 ans. Et donc, il y a des mineurs que je suis, que je vois tous les 3 mois depuis 2 ans. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce suivi-là. Enfin, bon, bref, on était sur la formation à l'ENM. Donc, après toutes ces formations, donc la formation théorique, la formation pratique, tous les stages d'observation, on choisit nos postes. Donc, c'est par le biais d'un concours, comme tu l'as dit. Ce concours, c'est un concours de sortie. Il y a des épreuves tout au fil de la scolarité. Il y a des épreuves, on va dire, des examens de fin de scolarité où on est un peu... sachant qu'il y a des questions de cours, ça c'est vraiment pas le plus gros coefficient, mais c'est surtout un jugement civil, un réquisitoire définitif, enfin en gros c'est des actes juridictionnels. Il y a aussi à la fin, à la toute fin, après les stages juridictionnels, il y a de nouveau des épreuves écrites, et notamment un jugement civil et un réquisitoire définitif, et il y a un grand oral. L'idée du concours de sortie, c'est déjà un, d'évaluer si on est apte, parce qu'il y a des gens qui redoublent à l'ENM et il y a des gens qui sont exclus. Alors, le chiffre, il n'est pas très important, mais on se dit que déjà, c'est quand même très sélectif à l'entrée de l'école. Et il y a des gens qui, au bout des 2 ans et demi, déjà un redouble et, encore une fois, parfois sont exclus. Et en fonction du classement, on choisit le poste comme l'internat de médecine. Il y a le premier choisi, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, en fonction d'une liste de postes qui est déterminée par le ministère de la Justice. Et donc ensuite, on devient magistrat. Et c'est très particulier, enfin je parle pour moi, je représente que moi, hein, mais j'ai des collègues qui m'ont dit la même chose, c'est que l'été entre la fin de l'ENM et le début de la prise de poste, c'est fou parce qu'on se dit ça y est, on va prendre des décisions dans la vie des gens, et c'est quand même fou de se dire ça. Parfois je me dis mais qui je suis pour faire ça, qui je suis pour prendre des décisions qui peuvent impacter la vie des gens, mais de manière c'est extraordinaire. Enfin, avoir le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, avoir le pouvoir de prononcer le placement d'un enfant, c'est des choses qui sont terribles, qui ont des conséquences, encore une fois, extraordinaires sur la vie des gens. Et je trouve que, humainement, on n'a pas une légitimité incroyable pour le faire. Ce qui nous donne la légitimité, c'est la loi. On est là pour appliquer la loi. C'est quand même ça, notre légitimité première. Et deux, ce que je me dis, c'est que j'étais quand même bien formé, que j'ai l'impression que je fais un bon travail parce que j'ai bien été formé par l'école de la magistrature. CEDEX, aventure, rencontre, conversation.